السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. فوزات سور راديو حشيشة، الساعة راهي الساعة 8:07 بتوقيت الجزائر، 9:07 بتوقيت باريس. مرحبا بكم، راكو تسمعوا لراديو حشيشة، ودارير فوز اكوتي سميرة إبراهيمية بتوين أس. J'espère que vous passez d'agréables moments avec nous, Khawti. Saha Ramadan koum, saha Iftar koum. Hna fi France, fi Paris, mazalna sa'a à peu près. Le waqt el Iftar, fi el bled wallah ma'a ala bali, j'ai pas suivi. Dans tous les cas, j'espère que Ramadan hada yjina had sna bel khir, bel baraka. Et puis avec de bonnes nouvelles pour tout le monde, pour vous-même, pour votre famille, et surtout pour nos pays d'origine, pour notre pays, pour l'Algérie. Inch'Allah, ghir, de toute façon. Et voilà, donc comme chaque samedi, comme vous le savez, on a une émission directe avec les auditeurs, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas trop d'émissions, j'allais dire. Il y a eu des problèmes techniques qui ont empêché la préparation de l'émission. Donc voilà, on va essayer de passer de la musique, on va essayer de vous laisser écouter la suite de la chanson de Samira Brahmia et je reviens dans 2 minutes. تستمعون إلى راديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Donc voilà, c'était Samira Brahmia et vous êtes toujours sur Radio Hchicha. N'hiye gha' al-mustami'in aynama kuntum, nas li yisma'u fina min al-Jazair, min Fransa, min Marikan, min l'Europe, min Asia wala min Afrika. Menin habitou, win rakou, marhaba bikoum sur Radio Hchicha. Donc, comme je vous le disais, tous les samedis soirs, on dira une émission pour discuter sur les événements qui se produisent en Algérie ou là dans notre environnement direct. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de préparer l'émission et pourtant, il y a des événements. Yani, on a vu ce qui se passe par exemple en Égypte. Je pense que ça a attiré l'attention de tout le monde. On aurait pu parler. De toute façon, pour les auditeurs qui veulent intervenir, vous pouvez appeler Hchicha DZ si vous voulez intervenir. Il n'y a aucun problème. Hchicha DZ sur Skype si vous voulez intervenir. Sinon, voilà, on n'a pas de sujet particulier, donc vous pouvez même nous proposer votre sujet. Moi, je pensais dans ma tête comme ça, j'étais branché ces derniers jours sur ce qui se passe en Égypte. On a vu, par exemple, on l'a discuté la semaine dernière, le samedi dernier, sur le coup d'état militaire qu'il y a eu en Égypte. Et puis, depuis une semaine, depuis maintenant, depuis le coup d'état, ben, il y a des manifestations en Égypte. Il y a des manifestations pour la légalité, en fait. Je pense que c'est le mot qui convient. Pour la légalité, c'est-à-dire l'i'tiraf bi-shar'iyya, l'inqilab al-askari sera ضد الشرعية ou ضد le dustour. Et hier, par exemple, il y a eu, je pense, la soirée où il y avait le plus de manifestants, en fait. C'est des manifestants contre le coup d'État. On les a suivis sur quelques chaînes de télévision. On a suivi aussi ça sur Internet, sur Facebook. Les jeunes Égyptiens, et puis ils sont en contact avec les Algériens, avec le monde qui les entoure. Ils ont publié beaucoup d'informations, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je l'ai déjà dit, yani, dans mes vidéos sur YouTube, je l'ai déjà dit sur ma page Facebook. Personnellement, je condamne totalement ce coup d'État, parce qu'en fait, je sais pas, on en a déjà longuement parlé la semaine dernière, c'est-à-dire un coup d'État contre la légalité. Mais Egyptian Fire, il ne peut ramener que le halak, que les problèmes, que la crise. Et les Algériens, c'est pour ça que les Algériens, ils ont eu vraiment peur quand ils ont vu ça. Comme d'habitude, en fait, les Algériens, ils sont très sensibles, je pense, hein. Ils sont très sensibles à ce qui se passe dans les pays voisins. Par rapport aux événements, puisque les Algériens, ils ont déjà vécu ça et ils ont fait une expérience pendant les années 90, une expérience qui était horrible en fait, qui a traumatisé tout le monde et qui a profondément traumatisé les gens. Et à mon avis, c'est ce qui explique l'intérêt des Algériens pour ce qui se passe. C'est entre guillemets une petite réponse à des amis qui ont dit comme ça sur Facebook, Blé et Al-Hawa, on parle trop de l'Égypte, pourquoi on parle pas de l'Algérie? Ben voilà, je pense que les Algériens, c'est ça la réponse, ils sont très sensibles à ce qui se passe dans la région, parce qu'ils ont déjà vécu ça, parce qu'ils ont déjà été traumatisés lourdement. Et donc voilà, ça donne les nombreux commentaires faits par les Algériens sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou même j'imagine sur les chaînes de télévision qui laissent intervenir les Algériens pour donner leur point de vue. Donc voilà, si vous avez un point de vue sur ça. Marhaba bikoum. Sinon, je passe une petite musique. Je reviendrai vous parler un peu de cet événement. Je voulais aborder aussi. J'avais vu un peu le sujet Al-Haraga qui est revenu, le sujet qui revient chaque été en Algérie. C'est Al-Haraga parce que c'est safe, c'est l'été et donc les jeunes, des fois pas très jeunes, hein, des fois c'est des vieux. C'est l'occasion de prendre les barques et de traverser la Méditerranée, généralement vers l'Espagne ou là vers l'Italie. Donc, il y a des gens qui arrivent من جهة عنابة ou il y a des gens qui arrivent من جهة الغرب, من جهة وهران ou la جهة هذيك pour aller vers l'Espagne. Et l'été, comme chaque été, il y a des centaines, peut-être des milliers, parce qu'on ne connaît pas le chiffre, on ne connaît même pas les gens qui sont morts. J'allais aborder aussi ce sujet. J'allais aborder aussi le sujet comment s'appelle le sujet à la pauvreté, parce que Hawja Ramadan qui m'a l'ada, les prix ils augmentent. Année, je suis en contact avec beaucoup d'Algériens. Année, je suis français, donc c'est vrai que je suis pas touché personnellement dans ça. Donc je suis l'information. نقرا نسمع ونهضر مع الجزائريين اي البروبليم كوم شاك اني كيف كيف ثاني لي بري از اكسبلوز نست بروفيتي لو سيستيم il est Il est ce qu'il est, en fait. Le système, il est pourri. Le système, il marche très, très mal. Donc, il n'y a pas moyen de contrôler les prix, il n'y a pas moyen de contrôler les commerçants, il n'y a pas moyen de contrôler les circuits de distribution, les produits, etc. Donc, comme chaque été, les prix, ils ont explosé, Ramadan. Et les Algériens les plus pauvres, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et ils souffrent. Ils souffrent parce que voilà, ils arrivent pas à vivre normalement. Certains, ils arrivent même pas à vivre. Et je pense qu'il y a un lien direct entre le sujet de la pauvreté avec le sujet précédent à l'haraga. Qu'est-ce qui fait que les gens y harboum le bled? Parce que aïchin f miseria kbira jidden ou bziada kain l'hugra ou kain pour les jeunes, par exemple, il n'y a aucun avenir. Ils n'ont pas d'espoir, en fait, pour trouver un travail, une maison, un appartement. Mais je dis normal. Et donc, il y a beau. Donc, voilà, c'est quand même deux sujets qui sont liés l'un avec l'autre. Si vous avez une intervention à faire, je pense qu'il y a eu un appel. C'est pas grave. De toute façon, à 22h, heure de Paris, c'est-à-dire dans 45 minutes ou là, on arrête l'émission. Moi, je voulais juste donner un petit avis personnel sur ça. L'occasion d'écouter un peu de musique aussi et l'occasion de pas laisser passer le rendez-vous, même si on l'a pas préparé, comme je vous dis, c'est pour des problèmes techniques. On est quand même là, et la semaine prochaine, samedi soir, à 8h du soir, heure algérienne, l'émission elle reprend. On aura notre sujet, on aura peut-être un invité. Comme d'habitude, ça se passe sur Radio Chicha. Vous pouvez quand même visiter radiochicha.com si vous voulez écouter les émissions précédentes ou là si vous voulez voir le programme. Il suffit d'aller sur internet radiochicha.com, tout attaché à Koul Melsouk, radiochicha.com. Un peu de musique et je reviens dans quelques minutes. Dar no har din dar en din da fal no. Voilà. Donc, c'était le groupe Terra Kaft à Médine. C'est la musique touareg qu'on aime beaucoup sur Radio Chicha. Pour ceux qui viennent écouter Radio Chicha, il y a beaucoup de musique touareg. Il y a beaucoup de musique traditionnelle africaine, nord-africaine, marocaine, algérienne, un peu tunisien. Il y a de la musique rock et tout, mais majorité musique taouana, bien sûr. Donc, Khaouti, vous êtes toujours sur Radio Chicha, Sahara 8 ou 23 dakika bitoqit l'Jazair. Le sujet, comme on a eu un petit problème technique pour préparer l'émission, du coup, voilà, on va pas faire une émission complète. Nzidou hatta ssaعة 9 ou et on arrête. Waqt l'adhan hna fi Fransa. Sahaftorkom الناس اللي صايمة لا يقبل رمضانكم. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le sujet t'as les événements en Égypte. Moi, je retiens quelque chose qui me semble très important. J'ai envie de le dire comme ça. J'en profite puisque j'ai le micro Wahdi. Je profite pour dire Bli. Il y a des leçons à tirer de la situation en Égypte. Je pense que la première des leçons qu'on pourrait tirer tous, à mon avis, tous les pays qui sont concernés par la dictature. Oh, Dieu seul sait, Bli, on est concernés par la dictature militaire, en bonne et due forme. C'est mon avis personnel, yani, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Mais là, on est une vraie dictature. Et donc tous les pays qui sont concernés par ça, je pense qu'ils peuvent tirer une leçon de ce qui se passe en Égypte dans le sens où le fond du problème, je pense, c'est c'est-à-dire il y a deux blocs essentiels dans la classe politique. Par exemple, on l'a vu en Égypte et on l'a vu aussi en Algérie. De toute façon, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Il y a deux grands blocs politiques qui sont les blocs politiques islamistes et le bloc politique qu'on appelle laïque ou la démocrate ou la de gauche ou la smeo qui m'enhabou. Et les deux blocs hadou, ils doivent, à mon avis, c'est ça la leçon, ils doivent trouver un moyen pour faire un compromis dans le cadre de la transition pour sortir de la dictature et aller vers un état de droit, un état de justice sociale. Cette distinction ou là, cette séparation qu'il y a entre les gens de la gauche et les gens islamistes, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique que nous sommes tous obligés de prendre en compte. Et si on doit tirer une leçon des événements en Égypte, c'est bien ça, parce qu'on a vu que l'ancien régime, l'armée, et puis Nesli profiter de la dictature et tous ceux qui font la mafia, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur ça en fait. Ils vont alimenter la séparation, mais bien الناس اللي يعتبروا نفسهم إسلاميين والناس اللي يعتبروا نفسهم ليبراليين كما يقولوا بان النظام القديم أو العسكر أو لا مافيا كيس كيفون ils alimentent la différence هذه et c'est sur la base de ça qu'ils essayent de faire la contre-révolution. La contre-révolution, c'est pas comme disent certains avec qui je suis pas d'accord, ce ne sont pas les islamistes, la contre-révolution. Et la contre-révolution, ce ne sont pas les démocrates ou la libéraline. La contre-révolution, ce sont ceux qui veulent arrêter le processus de transition vers un état de droit, vers des états sortis de la dictature, des états qui respectent la dignité humaine. C'est pour ça que les gens, ils ont fait leur révolution, entre guillemets. Je sais que le mot révolution, c'est un mot c'est-à-dire qui pose des questions, mais on va l'utiliser juste comme ça pour expliquer l'idée. Si on veut assurer la transition d'une manière sage, parce que ma fihesh, yani, il y a déjà eu trop de souffrance. On a vu comment les pays payent le prix fort des fois pour sortir de la dictature, et on n'a pas le droit de sacrifier des vies humaines, on n'a pas le droit ni aux blessés ni rien du tout. Et pour sauver la mise, qui me coule, pour assurer une transition normale, eh ben il faut trouver un terrain d'entente. Les gens sages doivent trouver un terrain d'entente entre les gens qui représentent les libéraux et les gens qui représentent les islamistes. Ce n'est pas parce qu'il faut être d'accord, etc., comme croient certains. Non, c'est pour créer les conditions d'une transition pacifique. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh bien tous les dangers sont possibles en fait. Ça fait des mois que certains observateurs sages, parce qu'il y a des observateurs, c'est des vrais aventuriers, il y a des journalistes, c'est des vrais menteurs, il y a des intellectuels, c'est des vrais hypocrites, opportunistes et tout. Mais si on suit les gens sages, ça fait des mois qu'ils disent, et Al-Khawa, si vous continuez à torpiller, si vous continuez à casser les tentatives de compromis, de rapprochement entre les deux grands blocs, vous mettez en danger le pays et le peuple. Et certains disaient, mais non, on est dans un jeu politique, c'est normal de créer les problèmes à l'adversaire politique. Donc les Hekmou, ils veulent créer des problèmes à l'opposition. On a vu comment les oppositions, on l'a vu en Égypte, mais on le voit aussi en Tunisie malheureusement, comment ils mettent les bâtons dans les roues pour casser le processus de transition, pour casser toute possibilité de compromis. Et ils disent, mais non, c'est normal, c'est la politique, on doit faire ça. Mais non, ce n'est pas normal, ça s'appelle de l'aventure, ça s'appelle de l'irresponsabilité, et on a vu ce que ça a créé en fait en Égypte. Voilà. Habitu yani diru que comment on dit, c'est comme l'Autriche, ça dit nta la balk bli le mushkil haou jay lakin nta hat rasek f l'ard haka w tu crois que le problème il va passer haka wahdo. En fait non, voilà, on a vu comment en Égypte l'armée, elle a profité de ça, elle a alimenté la divergence, la différence, la guéguerre entre les deux clans. Et elle, bien sûr, on sait aussi comment l'armée elle a procédé pour faire son coup d'État. Elle a créé tous les problèmes économiques, etc. Ils sont derrière, c'est eux qui ont compliqué la vie des Égyptiens. Bashir Kharjou, le Shara, ou Kolo Belli, Morsi, Madarsh Lazm. Mais ils ont aussi alimenté le gros problème entre les islamistes d'un côté et les libéraux de l'autre, et ils ont profité de ça pour faire un coup d'État soi-disant Chaabi, avec la complicité des médias. Ils ont menti. On a vu comment ils ont contrôlé tous les gros médias. Ils les ont contrôlés. Comment ils ont interdit tout de suite toutes les télévisions qui ne sont pas comme eux. Comment ils ont arrêté tous ceux qui ne pensent pas comme eux, etc. Et donc voilà, à mon avis, la leçon, une des leçons les plus importantes à tirer de tout cela en fait. Moi j'ai des amis tunisiens avec qui je discute régulièrement, je leur dis, Al-Khawa, vous voyez, il faut faire très très attention. La contre-révolution, elle peut tomber dessus à n'importe quel moment. Il y a eu des sacrifices pour en arriver à ce stade, et ce n'est pas bien de faire marche arrière parce qu'on est de simples aventuriers ou de simples amateurs politiques. On voit pas les pièges, et pourtant, moi c'est ce que je dis à mes amis tunisiens, observez l'expérience algérienne, observez-la avec lucidité, mais au travers de la presse algérienne pas du tout indépendante, ou là au travers de tous ces aventuriers, au travers des gens sages, observez l'expérience algérienne, et vous allez comprendre que si on alimente la guerre entre les deux grands camps politiques, comme je le disais tout à l'heure, les islamistes d'un côté et les libéraux de l'autre, si on continue à alimenter cette haine, ce rejet et cette façon de faire de la politique qui n'est pas du tout démocratique, parce que كل واحد يقول لك هذاك خائن ما صادير ما يقول لكش هذاك انا ما رانيش داكور معاه يقول لك هذاك خائن, Eh ben, qu'est-ce que ça donne? Les forces contre-révolutionnaires profitent de cette situation. D'ailleurs, c'est eux qui l'alimentent, c'est eux qui entretiennent ce problème. Ils profitent de ça pour faire leur coup d'État. Ils profitent de ça pour faire détourner les choses. Ils profitent de ça pour revenir et reprendre les centres de décision. Et quand ça, c'est-à-dire quand ça se gâte sérieusement, il y a même risque d'intervention étrangère parce que on fragilise le processus de transition. Voilà, voilà ce que je voulais dire. J'y pense depuis quelques jours. Je discute de ça avec des amis sur la leçon heavy qui qu'on est tous obligés de tirer des événements en Égypte, tout en souhaitant blé en Égypte ou là en Tunisie, ils vont réussir quand même leur processus. C'est comme ça que les peuples ils se font. L'histoire des peuples elle se fait comme ça. On les encourage, on est avec eux, on est tout cœur avec eux en tant qu'Algériens. On se dit pourvu que ça marche pour eux. Voilà. Là, on a eu droit à une dictature violente qui a plongé le pays dans le chaos. On espère que eux, ils ne vont pas vivre ça. Et on espère que les plus sages parmi eux, c'est eux qui auront le dernier mot. C'est les plus sages, c'est pas les aventuriers, c'est pas le murahiqin siyasiyin, ou c'est pas le munafiqin hadou, les... Un jour, il a une position, un autre jour, il a une deuxième position. Ou là, les demi-crates, par exemple. Les demi-crates, c'est un jour, il est démocrate, un jour, il monte sur un tank. En nous disant, blé, la démocratie, c'est normal, on doit monter sur un tank pour appliquer la volonté du peuple ou d'une partie du peuple. Ou là, ils prennent les Kalachnikov et ils y vont. J'espère que ces gens-là, ils ne vont pas avoir le dernier mot. Voilà sur le cas égyptien. C'était juste mon avis personnel en fait sur cette leçon-là à retenir. On fait une petite pause musicale avec Terra Kaft, toujours 4 minutes, 4 minutes 37, et je reviens dans 4 minutes. Thank you. Un appel. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. معليش اسمع فيا صاحبي سي دوماج. انا نسمع فيك وانت تسمع فيا. انا نسمع فيك تريبي انا. اه با مرحبا بك. الله يسلمك خويا صافا صافا الحمد لله باردون مروحتش فرنسا الان سي ساي درت فاكونس خلاص اون سيمين دو فاكونس اي اون ريبرون البولو اه داكور روحت للمروك سي صا واي كيفاش الحاله تما صافا سي كوا بوركو تو بوزي كيسيون اه كوم سا J't'ai vu en ligne, j't'ai appelé. Alors, est-ce qu'il y a une discussion ou là, qu'il y a une... Non, en fait, aujourd'hui, on a encore juste 20 minutes. C'est une petite émission. On a eu un problème technique. Ah, on est en direct, maintenant. On est en direct. Ah, d'accord. Yes, je suis désolé. Ah, il n'y a pas de problème. Où est-ce En fait, moi, j'ai eu un problème pour préparer l'émission et du coup, j'ai pas de sujet à cas. Mais bon, moi, j'étais en train de donner mon avis sur les manifestations en Égypte qui se sont produites hier. Donc voilà, suite au coup d'État, etc. Je sais pas si tu veux intervenir sur ça. Oui, bon, c'est que l'Égypte, ce qui se passe en Égypte maintenant. C'est pas nouveau, راك فهمني الناس هادو زعما راهم بعاد على لي زالجيريان تخدم تقولوا حنايا بواحد 100 عام باش هاد الصوالح هادوك اللي راهم صايرين في ليجيبت راهم ديجا صراو عندنا حنايا فاهم واش غادي نقول لك يا با سوليسيون باش نقول لك باش على بالك غادي تعاود هاد الصوالح هادو غادي تعاودوا كل فوا يجيبوا دي ريسبونسابل وما غاديش يتفاهموا كاين السنيين الشيعيين لي كريتيان اكسترا باسكو ما صار على بالك راهي مخلطه الوغ هاد الصوالح هادو ما غاديش ليجيبت غادي تقعد كيما هكذا من على 20 اون كل فوا يخرجوا هكذا ويصراو دي مور اكسترا تخرج لارمي تاعهم من بعد يعاودوا يولوا يجيبوا لنا ثاني ناس اخرين اكسترا شكون اللي غادي يفيد في هاد الصوالح سي لي زوروبيان اي لي امريكان باغي نقول لك ماناش باغي نقولوا حنا لي ميجيمون ولا نقولوا حنا كاع العرب كيما السنيين ولا الشيعيين ولا نقولوا حنا لي كريتيان عرب ما يخلوهمش يتفاهموا بعضهم بعض راك فاهمني لازم يكون كاين لي بروبليم كيما هكذا بور نقولوا حنا لي زوروبيان لي امريكان يخدموا فاهمني يخدموا يعطوهم السلاح هذه هي سي سي سي غادي تقعد كيما هكذا انت tu es pessimiste par rapport à l'avenir c'est ça voilà voilà ana je pense pas que l'Égypte ils vont faire quelque chose hein غادي تقعد كيما هكذا à chaque fois il خرج الناس الاخرين يقول لك بلي وي حنا عندنا حزب جديد اسمه جديد etc. وهي تقعد كيما هكذا فاهمني هاد العبسه هادي غير تاع سي با كورسي سي با هما ما يحوسوش على الكورسي هي الحاجه تاع الفايده نقولوا حنا لي السوق تاع البلاد فاهمين ولي جي المصريين راهم بزاف راهم بلوس كو 80 شحال تشوف 80 مليون هكا واه 80 مليون هكاك واه سبحان الله هي على بالك بلي هذوك الناس هذوك غادي يقعدوا كيما هكذا فاهمني مي تاع سوريا سي سا لو لو لازم نهضروا على سوريا سوريا سي سي لو بلوس امبورطون فاهمني راه مازال شادين راه عندهم حنا انا واحد من الناس نقول بلي تاع اللي راه لو بريزيدون سي با بريزيدون سي لو فيس سي ام سي ام برانس هذاك فاهم بو خلى له الاخر مي هذوك الناس هذوك لازم يتبعوا نقولوا حنايا وي سي با اون ديموكراسي ولا اون ليبرتي لازم نقولوا حنايا يديروا اون ليبرتي ولا اون ديموكراسي على حسابهم هما سي با على حساب لي زوروبيان ولا لي امريكان فهمي باسكو هما يسون مسلمون ثاني فيهم شيعيين اكسيتيرا وهذه غادي تخلط تخلطت سيريوزمون تخلطت سيريوزمون في لا سيري يا لطيف يعني وما تنساش باللي لي زوروبيان ما عندهاش بزاف عندهم واحد دو موا هكذاك لي هولندي ايزون بروبوزي باش يمدوا السلاح ل الكسموم هذوك لي روبال سيريان حنا على بالنا بلي ما كانش لي روبال سيريان كاش كاين هذوك لي كيما نقولوا حنايا صحاب المستزيق اكس تاع فاهم دي ميرسيونير لي باغي يديروا الدرام هذه هي راهم يمدوا السلاح لدي جروب هكذا تيروريست من بعد يخرجوا هكذا بافيك اسم واحد اخر اكسيتيرا باسكو عندهم السلاح ولي هولندي فريمون والله انا خلعت قاعد نشوف فيهم هكذا بيوتان غادي يعاودوها كيما نقولوا حنايا لي امريكان داروها مع اصحاب كابول كيما نقولوا حنا هما يزون فابريكي هذاك واسمو لي طاليبان الكبير هذاك لي طاليبان هما اللي داروها علاش يقولوا طاليبان علاش يقول لي طاليبان يقول لك وي انا اون غاني لي لي كي كنقولوا لها هما كيعيطوا لهم هذوك ابري لي طاليبان كان كاين ثاني ان جروب اسمو Les Pashtuns, ça c'est ceux qui sont dans, dans en principe la frontière avec le Pakistan. Les talibans, ils avaient fait la guerre en fait contre l'URSS et elle était financée par les États-Unis effectivement via Ben Laden. C'est puisque c'est Ben Laden qui finançait et il était un agent des Américains et donc c'est lui qui emmenait toutes les armes que les Américains fournissaient aux oui, talibans. Oui, oui, oui, un sénateur, les années 80-82. هو الا ديسيدي زعما باش يعطيهم سلاح جديد تاع لي امريكان كيما هذوك لي لونس روكيت فهمي تاع لي ميسيل اكسيتيرا هو اللي عاونهم فهمني هما اللي صنعوا لي تيروريست لي طالبان سي كوا لي طالبان هما صنعوها سي سور سي سور توت فاصون انا سا دير جو بونس كو تو لو موند بو لدير بلي لي امريكان سي با او كي فون فير لو بونور دي باي دو لا ريجون ني دي بوبل ني ريان دو تو سا سي كلير لي امريكان ايز اون لورز انتيري اي اي نيزيت ابسولومون با ا سوتنير سوا لا ديكتاتور لا بلو سوفاج سوا لي جروب تيرورست بيزار سي لي امريكان فوالا سي كوم سا كيما صرات مع لي فرونسي علاش لي فرونسي راحوا كما نقولوا حنايا راه ثاني كاين بارتي تاع بنت لوبان كايتو لها ماري لوبان واه فوالا ماري لوبان لا في بلوزيغ ايميسيون افيك دي فرونسي تما مع هذوك كايتو لهم تو موندون بارل اكسيتيرا جابوها ثاني هضروا معها عطاتهم شي صوالح لي فريمون حنا قعدنا نخلعوا قعدنا نشوف فيهم سي لي فرونسي زعما هما اللي قاعدين يعاونوا في هذوك لي تيرورست وهذوك لي تيرورست هذوك هربوا بالسلاح وحنا لافريك كيما نقولوا حنايا اللي داروا لنا نقولوا حنايا لي زاتونط في البلاد هما اللي هم يديروا فيها الصوالح وحنا نقعدوا كيما هكذا فاهم حنا نقعدوا بيناتنا هكذا هما يديروا في هذوك البوشيشات هذوك باسكو على بالهم باللي في هذو لي بي اغاب ولي بي مسلمون راه كاين فايده نقولوا حنا كاين البترول الحديد الغاز اكسيتيرا راهم باغين هاد الصوالح فاهمين يستاسيونوا تما يدوا كل شيء وي سينو دي كونطرا تاع شحال 20 طون ولا 25 اني ماشي يدوهم غراتوي سي ولا عندهم لا بروتيكسيون تاع لي تاع لي امريكان ولا تاع لي اوروبيان هما يدوا صوالح غراتوي وما تنساش ان بي نقولوا حنايا اللي دخلوا فيه كيما هكذا تكون كاين فيه اون غير سيفيل كاع لي كونطرا اللي كونوا كي زيتي نقولوا حنا سيني افيك دوطخ بي كيما نقولوا حنايا لي روس لي شينوا اكسيتيرا كاع يطومبالو تعاود كلشي على زيرو كيما صرات مع العراق العراق على بالك بلي راهم قاعدين هما باش نشوف شوف حوس في الانترنت لا بلو بار ماشي مال بلو لا في العراق يلا puisque la moitié des entreprises تاع كسمو تاع جونيور بوش بنتها خاله سي فري سي فري لا فامي لا موتي لا موتي والله العظيم لا موتي راهم يديروا الحله برك سي با زعما واه واه واه سي هما يسحقوا هاد الصوالح دي فري كولون دي فري كولون دي ديكلار ديكلار لي غير اي زونفوا لورز انتربريز انفستير فوالا دي كولون مودرن توت افي سي با كوم افون باسكو هما ما يتبدلوش لور غران غران بارون ايزون في اوسي هاد الصوالح راحوا لجيري راحوا لافريك سيتي لا ميم لا بلجيك زونقا غابين 3 بيي في لافريك سبحان الله والذهب سيتي لا الديامون سيتي لا يروح عندهم ودروك زعماك مع لا تكنولوجي اللي رانا عندنا دروك ما تنساش بلي لا تكنولوجي اللي راهي دروك عندنا دروك كيما نقولوا حنايا لو لابتوب اللي راه عندك في الدار ولا كسموه الي بلوس كو عندك عندك لا تكنولوجي اللي عندك تما في الدار كانت كاينه في فيزي تاع اللي طلع القمر صافي مانيش عارف انا في لي زاني 70 فهمني ولا تكنولوجي كنا مات حنايا دروك هذاك لو موند اللي دوفني بلو بوتي فهمني لارم لو بلو زعما ايفيكاس حنا خير من السلاح كتيرا سي لاباري فوتو سي لاباري فوتو فهمني ولا التليفونات اللي فيهم نقولوا حنايا باش تفيلمي كيما نقولوا حنايا واش صاريف حنا خلطوها معليش لي راه صاريف في كسمو في عند لي باليستينيان اللي راهم يسوفرو دوبوي 80 ans فهمني هادوك زعماك ما عندهمش ils ont pas de vivre ils ont pas le droit de vivre il y a pas de démocratie là-bas il y a pas de liberté فهمني سي كاين الهود والهود هما اللي مقادبين قالوا مونوبول تاع تاع لي بنك مونديال وراهم بارتو راك فهمني سي سي سي لي ليبرتي اللي راهم يهضروا عليهم هما سي سي سير ميزور فوالا يعطوك ليبرتي سير ميزور وما تهضرش باسكو لا ليبرتي سون سون سون ارجون سي با اون ليبرتي فهمني لازمك دراهم Bien sûr. Merci beaucoup pour l'intervention. Atek Saha. On va essayer de prendre aussi un autre appel. Après, on arrête l'émission parce qu'elle est belle que... هنا على الساعة العاشرة الأذان شبا عندكم ولا أذن ولا مازال مازال اي با صحف ترك على الأفانس صحف تركم ميرسي بوكو بيانتو إن شاء الله مع السلامة أخوة مع السلامة سعيد On prend un autre appel. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik khoya Halim Fedal de l'association de lutte contre la corruption. Merci pour l'appel. Wachrak khoya Samir. Marhaba bik w ramadanek bsaha inchallah. Merci beaucoup atik saha. En fait, on n'allait pas tarder mais bon, ça fait plaisir quand même de capter comme ça sur Radio Chicha. Je t'écoute khoya, on est en ligne. Hein. Je serai très très bref concernant la situation en Égypte. C'est pour dire que ce qui se passe en Égypte, enfin, il est différent de ce qui s'est passé en Irak ou ce qui se passe actuellement en Syrie. Ce qui s'est passé en Irak, c'est les États-Unis, c'est l'armée américaine, c'est elle qui a chassé, c'est-à-dire le dictateur. Actuellement en Syrie c'est une guerre ethnique, mais ce qui se passe moi je suis très optimiste ce qui se passe en Égypte parce que ça devient une maturité de la classe d'opposition et ce qui se passe c'est-à-dire on n'est pas en train de ce qui se passe en Égypte c'est un problème de légitimité de démocratie c'est-à-dire pour une fois dans un pays arabe. L'opposition elle s'est comportée d'une façon très exemplaire et très très efficace. Tu penses aux manifestations d'hier, Yac? Oui, c'était vraiment super. Ça. J'ai suivi aussi pendant quelques peut-être deux trois heures hakek ou les deux heures hakek de live là d'hier soir. C'est vrai que c'était très particulier. Les gens, ils étaient d'une discipline incroyable. Voilà. Ils avaient très très bien, c'est-à-dire ils avaient des slogans ou là pour défendre leurs droits et tout qui étaient très clairs, qui étaient très civiques et tout. Donc, Mia. Oui. Ouais. Et entre autres, je ne sais pas si je peux parler sur la corruption. Bien sûr, bien sûr. Bon, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration, c'est-à-dire de M. Farouk Santayné, le président de CNNPDH. Allô. Smah li khouya Halim, on vient de capter Chérif de Anaba. Oui. Khouya Chérif, tu m'entends? Bien sûr. Marhababik, on va quand même. Moi, je vous connais tous les deux. Je sais que c'est intéressant ce que vous dites. Je mets tout le monde ensemble. On va laisser Halim finir. On bat Chérif. Ça sera à toi, Malik. Très bien. Très bien. C'est Chérif. Ça pose pas de problème pour moi. Du tout. Très bien. D'accord. Donc je serai bref. Réponse aux dernières déclarations du président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour nous, ça c'est une institution étatique qui est le produit de la corruption politique et ne peut en aucun cas parler de la lutte contre la corruption. Et pourquoi parle-t-on en ce moment précis? Donc, la déclaration de M. Santayné présente plusieurs aberrations, à commencer par incriminer le pouvoir judiciaire sans discerner les raisons. Tout le monde sait que la justice algérienne est parmi les plus corrompues au monde. Mais ce n'est pas les magistrats. Le magistrat algérien, il est né corrompu. C'est la constitution algérienne qui fragilise ce pouvoir judiciaire. Elle garantit son indépendance d'un côté en vertu de l'article 138 de la constitution et d'un autre côté, le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Et ça, ce n'est pas normal parce que le président, c'est un produit électoral qui devient après élection le responsable du pouvoir exécutif. Et il est à la fois responsable de deux organes censés être séparés l'une de l'autre dans une démocratie. En plus, c'est-à-dire des enquêtes humiliantes d'habilitation des magistrats effectuées par les services de sécurité. Donc, il est clair que, au lieu d'incriminer la justice, il faut militer en tant que défenseur des droits de l'homme, ce qu'il n'est pas, pour l'indépendance de la justice, et lui donner les moyens de combattre la corruption. C'est-à-dire il faut militer pour la démocratisation du pays et pas faire, c'est-à-dire faire des déclarations comme ça. Donc Ntaya, tu retiens l'idée que Santayné étant, corrige-moi si je me trompe, Santayné étant une sorte de porte-parole, le Nizam... D'un clan du pouvoir. Voilà. Et tu ne penses pas que le pouvoir a l'intention de lutter contre la corruption, c'est ça? Non, la déclaration dénonce de la guerre qui se livre les clans du pouvoir. L'une essaie de fragiliser l'autre pour des acquis de prise de pouvoir ou bien des richesses du pays. Et montre aussi le degré de pourrissement de la situation en matière d'anticorruption. Ce n'est pas une prise de conscience, ni une opération main propre, ni autre chose. Parce que si vous pouvez remarquer, cette personne, c'est-à-dire, lorsqu'on nous a refusé l'agrément de l'ANSI, il n'a pas condamné. Le harcèlement, la persécution des dénonciateurs, il n'a pas fait de déclaration. Donc toi, tu ne crois pas en fait aux déclarations de ce monsieur? Bien sûr, il n'est pas crédible. C'est le produit de la corruption politique. Il est le produit de la corruption politique. Allez-y voir cette commission étatique, la composante humaine de cette commission. Il y a les gens de l'UJTA. Il a parlé de la loi 0601. Nous avons parlé avant lui, c'est-à-dire de la loi 0601. C'est-à-dire que c'est une loi permissive, c'est-à-dire voire laxiste. Mais cette loi, elle a été élaborée par qui? Elle a été votée par qui? Elle a été validée par qui? Elle a été élaborée par l'organe exécutif, par ses amis. Elle a été votée par un parlement produit de la corruption politique et validée par un conseil constitutionnel qui est dépendant de l'organe exécutif, parce que le président du conseil constitutionnel, il est désigné par le président de la République. Et ce conseil constitutionnel, il a ratifié toutes les lois. Et beaucoup de lois sont dénudées de tout fondement constitutionnel. دونك كيما نقولوا حنايا بالدارجه لهنا يروح يلعب بعيد صدق سي جون سي با كريديبل فوالا سي عطيك صحه سينو سي سي tu peux rester avec nous on va passer la parole à notre auditeur شريف عطيك صحه شريف pour l'appel je te laisse intervenir à ta guise c'est comme tu veux bonsoir à tous bonsoir à Khouna Halim bonjour soutien je soutiens tout à fait ses déclarations et son avis et j'apprécie beaucoup le côté technique qu'il vient de présenter par rapport à ça parce qu'on en a besoin aussi mais après en tant que citoyen moi je dirais que je le soutiens parce que on sait que la politique du substitut en Algérie ça veut dire que eux ils devancent ce qui devrait se passer d'une manière sincère notamment en créant une opposition superficielle de substituts, des représentants des droits de l'homme de substituts, les indépendants qui veulent faire réellement le travail, qui veulent être vraiment au service des valeurs, des principes du peuple algérien, ben justement on les écarte en créant ces substituts pour donner une apparence, une vitrine, non pas au peuple algérien, parce que le peuple algérien, ils n'ont aucun respect pour lui, c'est surtout une vitrine pour l'Occident. Tout ce qui les intéresse, c'est l'Occident. Tout ce qui les a intéressés depuis longtemps, c'est l'Occident. Ils ne font rien pour ce peuple, ils font pour eux-mêmes, pardon, et pour l'Occident. Et c'est pour ça que par la même occasion, j'aurais bien voulu être en direct avec le premier intervenant dont les déclarations et son avis est très très juste hein, sur le constat. Sur le constat, il est vrai que on est la proie d'intérêts des forces et des puissances extérieures, etc. On le sait tous. C'est très très bien de le rappeler. Par contre, il faut pas négliger une chose, c'est que lorsqu'on rappelle que nous sommes la proie des forces et des puissances extérieures, il faudrait quand même nous rappeler aussi pourquoi ils ont eu cette porte ouverte, grâce à qui représente leur intérêt sur le pays. Nous sommes quand même censés être des pays indépendants, avec soi-disant des États à la tête de ces pays. Comment que ça se fait que les armes dont ils parlent rentrent dans le pays, alors que on ne va pas nous faire passer quand même des trucs qui passent pas. Aziz, comment que ça se fait? Tu me dis qu'il y a des armes qui viennent à l'aide de la France, sachant que la France a fourni des hélicoptères Apache dans les années 92 pour lutter contre, entre guillemets, les islamistes. Donc, par contre, les autres armes dont on nous parle, comment que ça se fait dans un pays qui nous dit qu'on a une armée forte, qu'on a Mukhabarat Qawiyin, qui vont jusqu'en Chine au sein des familles pour faire des formations, etc. Ils vont même pas dans les casernes chinoises. Ils vont en tant que civils dans des familles civiles en Chine pour leur apprendre la répression envers la population. Ça, nous le savons aussi. Donc, comment que ça se fait avec toute cette prétention de force et de puissance et de maîtrise et de contrôle sur la population? On nous dit en même temps que les puissances se jouent de nous avec un tel confort. Ça, il faudrait qu'on nous l'explique. C'est-à-dire, c'est bien, on sait qu'on est la proie, mais il faut pas se leurrer. Cette opportunité-là des puissances extérieures, elle n'est due qu'à la trahison de nos pouvoirs. Sans cela, sans cette complicité-là, sans cette soumission-là, parce qu'il n'y a même pas de complicité. Quand on dit complicité, ça suggère quand même qu'il y ait deux parties équivalentes qui travaillent ensemble. Non, c'est pas ça comme ça que ça se passe. Ça se passe avec des ordres et des directives et les nôtres, ils appliquent, quoi. Ils appliquent. Donc, du coup, c'est une forme de soumission directe, quoi. Donc, depuis 62, on nous dit qu'on est un État indépendant. Depuis 62, on nous dit qu'on a une puissance militaire formidable et il faudrait absolument ne pas la critiquer du tout. Et d'un autre côté, on nous dit que le champ est libre dans nos pays arabes. C'est les autres. Voilà. C'est la politique de les autres. Alors, il y a deux versions qui reviennent souvent. Ou soit c'est la faute des autres. Après, les autres, ça dépend. Si c'est dans l'intérêt du régime, on nous sort que c'est les autres, hein, Et si c'est dans l'intérêt des peuples, ben on nous dit que les autres sont des... voilà, on nous sort toujours les autres dans les deux cas, en fait. Hein. Mmh. Pour dire que les Algériens sont des traîtres, on nous dit qu'ils sont manipulés par les autres. Et pour dire que nous, entre guillemets, et insidieusement, que nos régimes n'y sont pour rien et que ça vient de l'extérieur, on nous dit c'est les autres. Mmh. Alors que les comptes en banque personnels en Suisse, hein, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est chez les autres. Mmh. Nos dirigeants se soignent chez qui? Ben, chez les autres. Ils passent où leurs vacances? Ben, chez les autres. Avec qui ils font des combines mafieuses et financières? Ben, c'est avec les autres. Donc, on arrête quand même de nous dire les autres, sans une réelle remise en question, et, etc. Donc, moi, je suis d'accord avec le discours de dire c'est les autres, mais il ne faut pas qu'il soit destiné à flouer les esprits et à fuir les responsabilités et ne pas désigner les vrais responsables. Nous, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Français, on n'est pas des Anglais. Moi, Marine Le Pen, c'est pas, elle fait pas partie du paysage politique algérien. Ce n'est pas à elle que je pourrais en vouloir quand mon pays est en échec. J'ai des responsables en face de moi et c'est eux mes premiers responsables de cette catastrophe. C'est eux que je désigne en tant qu'Algérien. Je ne dois pas regarder ailleurs, quoi. Même si le problème vient d'ailleurs, c'est que à l'intérieur il y a une mauvaise gestion, sinon il serait pas permis. Voilà, tout à donc, fait, tout à fait. Juste pour équilibrer un petit peu les désignations. Mmh. Sinon, mmh. C'est vrai qu'on est la proie de l'extérieur, mais qui leur a permis? Ben, c'est les nôtres. Mmh. C'est les nôtres. Ils ont des gens qui justement appliquent leur stratégie dans nos pays, et ce sont des nôtres. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs. Ce sont des nôtres qui nous ont trahis, qui ont trahi le peuple algérien. On a eu confiance en cette révolution de 62. Moi, ma mère me disait souvent que Rezi Amour, qui était un fidèle à Anab, disait vraiment de tout cœur qu'il n'espérait pas assister à cette révolution, parce qu'il en voyait déjà les prémices. Il en voyait déjà les prémices. Donc, je pense que beaucoup de moujahidines sincères, etc., aujourd'hui regrettent un petit peu, ne regrettent pas, mais ils ont une certaine amertume sur la déviance et le détournement et le kidnapping de notre révolution. Et aujourd'hui, on nous dit c'est les autres. Ben, je suis désolé. Moi, je suis un Algérien. Je veux désigner les responsabilités telles qu'elles sont et décrire l'État tel qu'il est. C'est eux les responsables. Et si il n'y a pas de complicité, le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'il y a impuissance et c'est qu'il y a incompétence. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et puis, et voilà, sinon, peut-être sur le problème que vient de soulever Halim à propos de la corruption, des déclarations de Xanténi sur le sujet de la corruption, et peut-être aussi sur l'information qu'avait donnée Monsieur Jilali Hajjaj, aussi qui est dans le milieu là de lutte contre la corruption, à propos de Shakib Khalil. Finalement, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Shakib Khalil, c'est-à-dire que tout le cinéma qui a été fait depuis quelques semaines, quelques mois, finalement, il n'y a même pas de mandat d'arrêt. Donc, il y a juste des articles de journaux, c'est tout. Bien sûr, mais je pense que moi, personnellement, en tant qu'Algérien, j'en suis pas étonné du tout. J'en suis pas étonné. Il y a un combat qui est en train de se faire en ce moment. Mais dernièrement, par exemple, j'ai suivi une émission en Algérie avec un parti dit d'opposition, et j'ai entendu un nouveau concept qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, on va dire, pour ne pas dire indigné. Le soi-disant opposant emploie une notion dans laquelle il désigne le régime auquel il s'y pose comme le système bouteflikien. Le système bouteflikien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est dit opposant, d'une manière très très insidieuse, il blanchissent tout le reste du système, le vrai système, il le blanchissent en désignant le système bouteflikien. Bouteflika n'est pas le système, il est la conséquence, il est même c'est le résidu même du système. Le vrai système, ce n'est pas Bouteflika. Donc, on voit très bien qu'il y a quand même une guéguerre politique où chacun prend parti. C'est même pas une guéguerre politique, c'est une guéguerre lamentable qui n'a rien à voir avec les intérêts de la population. Et chacun tire de son côté pour faire de la propagande auprès de la population. Ben, on sollicite la population pour assister à leur supercherie lamentable, sale, dégueulasse. On nous sollicite, nous, pour être témoins. On nous prend à témoin sur des jeux pervers, sur des jeux de mafia, sur des jeux de vol, sur des jeux des intérêts qui n'ont rien à voir avec la population algérienne. C'est ça qu'ils essaient de faire. Et avec la contribution, bien sûr, de certains qui se prennent pour des opposants ou des représentants des droits de l'homme, etc. Voilà, moi, je suis pas étonné, mais alors du tout, ça fait partie du jeu, le système, on le connaît, hein. Donc voilà. Et tant qu'ils n'ont pas encore compris cela, que l'Algérien aujourd'hui, la société algérienne est en plein éveil, on est dans un processus de prise de conscience, qu'ils le veulent ou pas. Et c'est pour ça que moi, je suis souvent contre que ce soit les intervenants ou même qui que ce soit, qui désigne en premier lieu la population. Alors c'est ou soit les forces extérieures ou soit la population. Ça j'ai oublié de le dire, parce que moi je pense que la population, on peut pas la désigner en tant que coupable. Elle est responsable, on est tous responsables quelque part entre guillemets, bien que bon, on n'a pas tous de compte en Suisse, on n'a pas tous tué, etc. Mais symboliquement, allez, on va leur concéder cela, qu'on est responsable. Par contre, je veux dire, le régime algérien est complètement coupable, puisque c'est prémédité, puisque ça fait des décennies que ça dure. Et ils ne veulent pas comprendre que la population aujourd'hui ne gobe pas ce genre de truc. C'est pour ça que c'est plutôt pas de la propagande, c'est plutôt encore un mépris affirmé, confirmé. Et vraiment une insulte à la lucidité des Algériens qui aujourd'hui ont tous les moyens de comprendre, de savoir ce qui se passe au sein de notre système, quoi. Donc, et on continue à nous prendre pour des cons, on continue. Ils comprendront le jour où ça explosera, et c'est ce qu'on souhaite pas. C'est pour ça qu'on s'exprime maintenant. C'est pour ça qu'on s'exprime, justement pour ne pas aller jusque là. Qu'ils comprennent quand même qu'aujourd'hui il n'est plus possible de jouer à ce genre de supercherie, quoi. Et pitié un petit peu quand même de la nation, du peuple algérien. Où est-ce que vous voulez nous conduire avec des déclarations à la con, avec des mensonges, avec des pseudo-concepts de liberté, de droits de l'homme, de je ne sais quoi, alors que la population, elle a été martyrisée, elle a été traumatisée, elle a été torturée, elle a été emprisonnée, etc. Et on voit très bien que personne ne veut soulever ces questions-là. Personne ne veut les soulever. Personne. Je sais pas. Je reviens vers Halim. Je rappelle aux auditeurs que Halim, tu es un des responsables de l'association de lutte contre la corruption. Et toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de, par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout le tapage médiatique qui est fait à propos des affaires de Sonatrach 1, Sonatrach 2, autoroute 1, autoroute 2 et tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout ça va se calmer en fait, c'est-à-dire que avec le temps, خلاص ننساوها l'affaire Hadi et puis voilà. C'est sûr, c'est-à-dire j'aimerais revenir mon frère là, il a parlé de Bouteflika. C'est vrai, Bouteflika c'est une partie du problème en matière de corruption. Mais l'ère de Bouteflika, il a connu la corruption, elle est devenue exceptionnelle. C'est-à-dire, l'Algérie a connu une généralisation de la corruption. Elle était sélective. C'est-à-dire, il y a deux instances en Algérie qui infirment la grande corruption, qui est la présidence ou qui est l'armée. Actuellement, c'est la présidence, elle excelle. C'est-à-dire, ils ont prémédité cette situation de généralisation et de banalisation de la corruption. Bon, tout à l'heure, nous avons parlé des clans de pouvoir. C'est des clans qui essaient de se fragiliser pour des acquis politiques. C'est-à-dire, enfin, même pas politique, parce que la politique, c'est pas ça. C'est pour la prise de pouvoir et des richesses et de la Sonatrach. Donc, même si le clan opposé à Bouteflika, c'est-à-dire, aura ce qu'il voulait, il n'ira pas jusqu'à c'est-à-dire sanctionner les coupables, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est le pouvoir et pas autre chose. D'accord. Et est-ce que, franchement, je repose, c'est-à-dire, j'insiste, je sais pas, parce que sûrement que Est-ce que regarde le dans tout le tapage médiatique et finalement il n'y a même pas de mandat d'arrêt ou là de demande par la justice envers Chakib Khalil. Il n'y a pas que Chakib Khalil de toute façon, mais Chakib Khalil étant le nom qui est revenu le plus et tout, on comprend Bli, ça rentre dans le jeu des guerres des clans, des guerres de ceux qui veulent prendre encore plus et déranger ceux qui les dérangent. Mais est-ce que demain, après-demain et tout, est-ce que les affaires Hadou, elles vont continuer? Moi, j'ai parlé de l'instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire n'importe quel magistrat en Algérie ne pourra jamais convoquer Chakib Khalil, ne serait-ce que comme témoin. Moi, je suis de Chlef, j'habite à Chlef. Toutes les affaires de corruption qui sont passées au niveau de la cour de Chlef, tout le monde a été acquitté parce qu'on sait pertinemment qu'il y a eu injonction de l'administration. Mmh. Ils le disent, hein, l'administration le dit. Mmh. Le dit pour ses directeurs d'exécutif. Si on n'arrive pas à incriminer un directeur d'exécutif, une justice qui est dépendante de l'organe exécutif, une justice qui est faible, qui est soumise aux enquêtes d'habilitation, des magistrats, ils sont faibles, les magistrats en Algérie. Ils n'ont pas les moyens de... Moi, si je peux intervenir. Bien sûr, bien sûr. Moi, là-dessus, je suis complètement d'accord avec Halim et avec toi aussi. Et je pense qu'on est d'accord avec la majorité des Algériens parce qu'ils pensent tous comme nous, hein, même si on ne parle pas à leur place. Il y a quand même... on a un système et tout est lié dans ce système. Ça veut dire que quand on parle d'une chose, on parle forcément à beaucoup d'autres choses, des annexes qui sont liées. Par exemple, là, quand on parle de Chakib Khalil et le fait qu'il soit pas condamné ou jugé, etc., ça pose le problème de la corruption, ça pose beaucoup de choses, mais ça pose aussi le problème de la justice qui n'est pas indépendante. On voit, par exemple, en France, quand il y a, c'est vrai, la corruption, elle est partout, mais à titre d'exception, pas à titre de routine normalisée, on va dire, hein, comme chez nous. Hein. Chez nous, c'est un système établi. Mmh. C'est un système établi. C'est ce qui fait la différence. Et par contre, la justice chez nous, elle n'intervient pas. Un chauffe, par exemple, Cahuzac ou d'autres, hein, qui ont été tout de suite dénoncés par la presse indépendante aussi, pour dire que tout est lié, hein. Justice, médias, journalisme, etc. En Algérie, c'est pas le cas. En Algérie, le juge, il s'en fout, hein, tant qu'il n'a pas reçu un coup de fil de Monsieur Taufir ou de je ne sais qui d'autre, ben il peut pas intervenir parce que sa tête est à couper. Il le sait très très bien. Ça, on les a vus même dans les années 90. Hein, les juges ont été menacés ou les avocats ont été menacés quand ils défendaient certaines personnes. Hein, il n'était pas question de défendre sans la permission de certaines parties. Donc ça pose le problème de la justice chez nous qui est paralysée. C'est pareil, c'est une justice de substitut. Voilà, il n'y a pas de vraie justice. Et tout ça, c'est un système lié qui est voulu, qui est combiné pour qu'on en arrive là. Ça veut dire que maintenant, ils peuvent jouer le jeu de la propagande reflétant une presse indépendante, reflétant des mochabarats soi-disant qui font leur boulot, mais personne n'est arrêté à la fin. Ça veut dire que voilà, tout est substitué et tout est superficiel. Et sinon, on pose la question où était le mochabarat pendant toutes ces années. C'est des milliards, hein, qui sont partis de l'Algérie. C'est une corruption, c'est rentré dans les mœurs. Où étaient-ils ces gens-là qui se disent... voilà, préoccupés pour les intérêts du pays, etc. Subitement, voilà. Ils se sont découverts des vertus comme ça pour aller lutter contre la corruption. En fait, c'est vraiment pas sérieux, effectivement. Quand personne n'est finalement inculpé, on fait beaucoup plus dans le tapage médiatique pour la consommation de l'opinion publique, point barre, éventuellement déranger l'adversaire qu'on veut gêner, et puis c'est tout. Finalement, le peuple algérien et l'Algérie, ils ne profitent absolument pas de tout ça. C'est juste du Khmer Koulou Adnel, c'est tout. Oui, exactement. Samir, le dernier congrès de transparence en Tunisie, j'ai rencontré M. Peter Hagen, c'est le fondateur de Transparency International. Il travaillait avec Chakib Khalil. Il ne revenait pas que Chakib Khalil soit un corrompu. Il ne croyait pas. Il me disait, c'est pas possible que cette personne-là soit corrompue. Pour vous dire que pour vous dire que ça veut dire c'est il y a tout un système, tout un système qui favorise le... Est-ce que dans le fonctionnement du système actuel, on peut lutter dans la corruption, ou bien faut-il finalement changer ce système, le remettre sur les rails, et puis espérer lutter contre la corruption? On a vu par exemple, c'est vrai que la question de la corruption, elle est très compliquée. On l'a vu même dans les pays. Je citerai l'exemple de la Tunisie par exemple, qui eux ont fait entre guillemets leur révolution. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'ils sont dans un processus de transition, etc. Et on a vu que le plus dur jusqu'à maintenant, c'est toucher aux intérêts de ceux qui ont profité de l'ancien système, qui ont fait des fortunes, etc. C'est une chose très compliquée. Mais je pense que la lutte contre la corruption ne se fera que dans un système démocratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. J'ai déjà parlé sur ça. On a dit que la corruption, elle se perfectionne. Donc, il faut toujours perfectionner les outils, les dispositifs pour la lutte contre la corruption. Donc, en Algérie, combattre la corruption, c'est combattre le pouvoir en place. Parce que c'est espérer une démocratisation qui, elle, va concrétiser la séparation de pouvoir. C'est-à-dire, quand on parle de séparation de pouvoir, on parle d'un pouvoir judiciaire qui est indépendant, fort et indépendant. Donc, c'est-à-dire, le système, quand le pouvoir judiciaire, il est dépendant de l'organe exécutif, centraliste. Centralisme, ça veut dire qu'il centralise tous les pouvoirs de décision. Quand les organes de contrôle sont gelés par ce même organe, quand le dispositif fiscal, il est archaïque, quand l'économie, c'est une économie de rente, c'est-à-dire ce n'est pas une économie libérale, c'est-à-dire tout se fait par les fonds publics, c'est-à-dire l'État n'est pas régulateur, pour minimiser, parce que l'économie publique, c'est un bon catalyseur pour la corruption. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire favorise la généralisation de la corruption. Donc il faut démocratiser le pays. Bon, la Tunisie, ils ont des problèmes actuellement sur le période transitoire. Ils vont y arriver parce que avec nos amis tunisiens et même avec nos amis libyens, ils sont en train de travailler. On se retrouve pas tellement le système est différent. On se dit que ça ne devrait pas nous concerner parce que pour eux, l'économie, elle est libérale. Ils ont avancé. C'est-à-dire, là, actuellement, c'est la lutte contre la corruption du secteur privé. Après, on a le marché public ou la confection des cahiers de charges. Quand on parle des marchés publics, le marché public, pourquoi ça ne va pas en Algérie, le marché public? Parce que les organes de contrôle, ils n'est pas indépendants. Ils dépendent toujours de l'organe exécutif. C'est-à-dire, je cite à titre d'exemple, s'il y a un projet qui dans le maître d'ouvrage, par exemple, c'est la DTP, la Direction des Travaux Publics. La Direction des Travaux Publics, elle gère pour le compte de l'État. Qui les organes de contrôle interne, c'est eux. Et l'organe de contrôle externe, c'est le Wali. Alors, quand on voit la Direction des Travaux Publics et le Wali, ils font partie du même organe. C'est toujours l'organe exécutif. Donc, c'est le Wali. C'est-à-dire, c'est un corrompu, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils confectionnent des cahiers de charges qui sont sur mesure sur telle ou telle entreprise. Et on peut procéder à la corruption en toute impunité. C'est-à-dire, pour expliquer un peu le phénomène. Ouais. Donc, le phénomène de la corruption, moi je l'ai dit, c'est-à-dire combattre la corruption, c'est combattre le pouvoir en place. C'est un pouvoir qui vit par la corruption, qui croit à la corruption. Il croit, il est érigé sur la corruption. Il a corrompu l'étranger, là, il veut corrompre le peuple. Donc, il faut changer de pouvoir si on veut changer les choses. Voilà, je comprends. En matière de corruption. Très bien, très bien. C'est clair. Je sais pas si Khoya Chérif, si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, et puis, justement une dernière appréciation. Moi, je pense que la question elle est très très intéressante, celle que tu viens de poser sur le fait que est-ce que on peut combattre la corruption dans un système, au sein d'un système dictatorial. C'est une très bonne question, mais elle s'applique aussi à la politique. Est-ce qu'on peut faire de la politique dans un système dictatorial? C'est vrai que moi, j'appellerais ça plus de la révolution dans le sens large du terme, que faire de la politique ou combattre la corruption. Combattre aujourd'hui la corruption, il est vrai que ça revient à combattre le régime, parce que on ne peut pas combattre la corruption ou faire de la politique dans un système qui ne s'y prête pas et dont les moyens et les instruments ne sont pas mis en place. C'est comme les opposants qui sont là-bas, qui font de la politique. Par contre, il faut qu'on apprenne quand même les Algériens qu'on anticipe. Ça veut dire qu'on prenne ces affaires-là en charge, sachant qu'on est face à une dictature et qu'on ne va pas avoir accès à des instruments légitimes, légaux et de droit. Ça, ils ne les donneront jamais. Mais les Algériens, dans tous les domaines, que ce soit la politique, que ce soit les associations, etc., des luttes, etc., je trouve que c'est bien quand même d'anticiper, même si on est encore dans une dictature, on anticipe ce travail-là, qu'on puisse lier, faire des relais, d'échanges, etc., et qu'on puisse apprendre, qu'on puisse s'enrichir pour se préparer à une autre forme de lutte éventuellement. Voilà quoi. Donc, je pense que c'est bien d'anticiper ces choses-là, mais il ne faut pas oublier juste une chose, c'est que ça doit rester toujours hors système. Parce que une fois qu'on est rentré dans le système sous prétexte de lutte contre quoi que ce soit, on est avalé. Et on est intégré par le système et on est perverti. Ce système-là, il a perverti tout un peuple à son insu, en mettant des mécanismes de corruption. Aujourd'hui, on va chercher un extrait de naissance dans une mairie, on est sujet à corruption. C'est clair, hein, pour la moindre des choses. Donc c'est un système établi, et pour le déraciner, il faut s'attaquer au noyau. C'est pour ça que des fois on parle du DRS, c'est pas juste une haine, c'est pas juste parce qu'on sait que le noyau de cette perversion de la société algérienne, il n'y a qu'un corps militaire ou civil qui pouvait le faire au sein de la société d'une manière très discrète. On parle pas du DRS parce qu'on a une haine ou parce qu'on se fait plaisir. C'est parce que c'est la source de nos problèmes. Il faut vraiment ça le désigner, c'est le noyau du pourrissement de la situation en Algérie, surtout que c'est un corps invisible quoi, qui a toutes les priorités, il a tous les instruments voilà, moi je dis il faut en parallèle des différentes initiatives qui honorent nos amis algériens, et il faut aussi viser aussi, ne pas négliger le noyau, il faut pas négliger, il faut viser la déconstruction de ce système. En même temps, faire des choses constructives, sachant qu'on prend des risques aussi, parce que voilà, on n'est pas dans un système démocratique qui va nous le permettre facilement. Mais en mettant le doigt, en travaillant ensemble, en échangeant, en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, à Internet, il y a Facebook, etc. C'est une logistique et des instruments formidables. Ils le savent aussi, hein, ils le savent très très bien. Donc la donne a changé. Hein, on n'est plus dans l'opacité. Protectrice du régime, etc., où ils faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Chaque citoyen algérien est à lui seul un média. Chaque citoyen algérien est à lui seul un journaliste. C'est-à-dire qu'il a, accès à la parole, il a accès à la diffusion, il a accès à la médiatisation de ses idées, de ses contestations, etc. Donc, c'est une belle expérience, bien que naissante. Moi, je trouve qu'elle va très, très bien dans le bon sens. Même l'opposition, et je parle vraiment de l'opposition naissante, hein, la vraie, même si malgré leurs divergences dans certaines idées, etc., je trouve qu'il y a quand même une convergence. On va tous dans le même sens, quoi. C'est que ce régime-là, il doit disparaître. Ce système-là, il doit disparaître. Eux, ils doivent le comprendre en pensant quand même à leurs enfants aussi, à la nation. Nous, on n'a aucune haine, on ne doit pas avoir de haine envers les gens au niveau personnel. On veut lyncher personne. Hein, si ça puisse se faire d'une manière très pacifique et qu'il y ait des pardons, nous savons très bien que les Algériens pardonnent beaucoup et qu'ils ont un très très bon cœur, etc. Si ça peut se faire comme ça, juste remettre l'histoire à jour, donner un petit peu l'impression à ces Algériens qu'on leur reconnaît qu'on a été injuste envers eux et que ça redémarre, quoi. Ça redémarre. On veut vraiment pas de scène de lynchage, etc. C'est pas le but. Ça n'apporte à personne. Nous voulons juste que notre pays redémarre sur un bon pied et qu'on arrive quand même à être tous heureux. Et voilà, c'est le but, hein. Très bien, Inch'Allah, c'est très clair, et puis espérons-le, hein, c'est que c'est comme ça que ça va se passer. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Texaha, merci beaucoup, Chérif. Khoya Halim, si tu as un dernier mot à rajouter. Merci, toi aussi, Sahaf Torek. Bsaha Ramdankum, je vous remercie beaucoup, c'est Samir. Pour ce que vous faites pour notre association et pour ce que vous faites actuellement. Il n'y a aucun problème, c'est un devoir. À chaque fois qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. C'est l'ouajib, on n'attend rien de personne et tout. Hein, c'est comme ça. C'est vous qui faites un grand travail et puis mazel, hein, ça continue. Un grand merci, Khouna Chérif. Le tadakhoul ta'ou, vraiment, il est vraiment à la hauteur. Très lucide. Merci à vous deux, Khaouti. Merci pour votre contribution. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, Ikhwani Akhawati, min Qanat Radio Hichicha. Donc, on a eu nos auditeurs qui sont habituels sur Radio Hichicha, mais je suis très content de les avoir. Comme il disait Monsieur Fedal, c'est effectivement des interventions de qualité, de lucidité. On n'est pas tous obligés d'être d'accord, mais quand même, c'est bien de poser les problèmes comme il faut les poser. On bad, chacun il a ses réponses, chacun il a son point de vue. C'est normal. Donc c'est comme tous les samedis soirs. On a écouté un petit peu le point de vue des auditeurs de Radio Hichicha. Moi, je vais arrêter l'émission là. Si vous permettez, je remercie ceux qui sont intervenus, Chérif, Halim et Nido au tout début, et Saharmdan comme Khouti, Aina ma kontum. Inch'Allah, ghir l'khir pour Ramadan Hadsna. Et puis restez sur Radio Hichicha. Il y a de la bonne musique, il y a quelques émissions qui passent. Il y a cette émission tous les samedis soirs à 20h. Vous pouvez aller sur radiohichicha.com si vous voulez retrouver les émissions précédentes, si vous voulez nous envoyer vos messages, vos remarques et tout. Mashi mushkil, c'est sur le site radiohichicha.com. Voilà, Khouti. Encore une fois, merci à tout le monde, merci aux auditeurs et aux intervenants. C'était Hichicha pour Radio Hichicha. Sahaf Torkom, Sahar Mdankom. À très bientôt, Inch'Allah. Je vous laisse avec Ma'toub Lounes live. On t'aime là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que dans la vie, comme j'ai toujours dit, donc on est là, l'espoir nous est permis. يوناكن لا يهدر استوفن ديشار همذن نجايز هسقار وزلني لا نار ماذا نكذي سيدي رباي الطفل أذرار جرجرة هيحقا مجزوغ هالسنجي خنونس جرج رايح قام مسوق هالسنجيت ووثا يتح الشاطب بذريد عوني يجيب الطيب الشهور لهلاك يتزيد تضيد بذير يتح الشاطب بذريد عوني يجيب الطيب الشهور لهلاك يتزيد تضيد بذير تاسواتي يتمس ضيد الخطر يركين سدر ريث وهات مغلي ما يخلق الوجدين ننفي وعدا ويتصقذ وذيوبين القيل ما نس ما ذاغ المحون أحسن من عيون هسو ياس بوحر وياس هيم العيون يثعبان سكو ما طاسي ووين تسرون هسو ياس بوحر وياس هيم العيون يثعبان سكو ما طاسي ووين تسرون ويسنت ثبوض ثغري سقول الدون تشير سكرب اللندق وما يلي قاقدي ينسليق ويسنت ثبوض ثغري سقول الدون تشير سكرب اللندق وما يلي قاقدي ينسليق توكس السرد هايني ونور دندكوير هسيني فتصار مغدي غذار قزاني فيه يثيق لنا تعيسي مسحر بمثليه وحش غاي ندير النون حسن من عيون سياس بوحر وياس ثيم العيون يثعبان سكوم عطاسي ووين تسرون دروز سياس سبريت ساثي اني حبسك استقسير فوش طرمك نميش ليني قزمن غليغ هي مسبريت ساثي اني حبسك استقسير فوش طرمك نميش ليني قزمن غليغ سكشرور ذغر ذيك لين ذيفنو في الليل فنطش لي سرداس تاوي خاسك نتياوي لو عرب حرا يميد جرجر رزايل وردك النار في سلول أحسن من العيون يتعبان سقو ما طاز السويا سبو حرو يا سيم العيون يتعبان سقو ما طاز وين تشرون السويا سبو حرو يا سيم العيون يتعبان سقو ما طاز وين تشرون السويا سبو حرو يا سيم العيون اتحبان سكو مطاز سوى وين تشرو